cette force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Je veux parler à quelqu'un qui vit dans la peur. Laisse-moi te dire que Jésus est en toi. N'aie pas peur de ceux qui font des incantations, de ceux qui pratiquent la sorcellerie. La Bible dit que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Invoque le sang de Jésus-Christ et toutes ses puissances vont se disperser. Réveille-toi, nous allons prier. Réveille ton voisin, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous sommes à OSB, opération sur la brèche. Notre passage du jour, c'est 1 Corinthiens chapitre 6, 12 à 20. Chaque matin, je me lève. Je prie avec OSB. Chaque matin, moi, je prie. Je prie avec OSB. Lisons 1 Corinthiens 6, 12 à 20. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre et les ventres pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Il y a deux grandes vérités que je vais partager avec vous. Voici la première vérité. Tout nous est permis, mais nous devons éviter deux choses. Nous devons éviter tout ce qui n'est pas utile. Et nous devons éviter tout ce qui peut nous asservir, c'est-à-dire nous rendre esclaves. Vous voyez, lorsque nous appliquons ces principes, nous n'allons pas nous livrer dans certains péchés que nous commettons, surtout lorsque nous sommes matures. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui aiment toujours poser des questions au pasteur. Pasteur, est-ce que c'est mauvais pour moi d'aller, par exemple, me réjouir dans une boîte de nuit, mais je prends seulement coca? Est-ce que, pasteur, est-ce que c'est mauvais pour moi de suivre, par exemple, un film ou bien une série télévisée? Pasteur, est-ce que c'est mauvais pour moi, par exemple, de prendre un verre de bière ou bien un peu de vin, mais je prends seulement la moitié du verre, ainsi de suite? Toutes ces questions-là, quand vous appliquez ces principes ici, vous-même, vous aurez la réponse. Tout m'est permis. Tu peux faire ce que tu veux, mais tu dois te poser la question, est-ce que c'est utile pour moi? C'est pourquoi Paul dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tu dois te poser la question, en quoi c'est utile pour toi d'aller par exemple dans une boîte de nuit? En quoi c'est utile pour ta propre vie d'abord? En quoi c'est utile pour ta vie spirituelle, ta vie chrétienne? En quoi c'est utile pour ta marche avec Dieu? Tout m'est permis. Tu dis, je peux m'habiller comme je veux. Oui, tu es libre. Mais en quoi un habillement, par exemple, tu portes un habit sexy, en quoi c'est utile pour toi? En quoi c'est utile? Donc, tout ce qui n'est pas utile, tu dois t'en débarrasser. Pose-toi la question, si je ne fais pas telle chose, je perds quoi? Si la question c'est rien, c'est que ce n'est pas utile pour toi. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Se laisser asservir, c'est-à-dire se rendre esclave. Il y a des choses parfois que nous faisons qui sont bonnes à nos yeux, mais lorsqu'elles nous rendent esclaves, nous péchons. Je prends un exemple simple. Regarder une série télévisée, ce n'est pas forcément un péché. Mais si je deviens esclave de cette série télévisée, au point où, par exemple, nous sommes à la maison, mon mari ou ma femme me dit, bon, nous allons prier, nous allons passer un temps de prière en famille avec les enfants. Toi, tu dis, non, je dois d'abord voir ma série télévisée. Vraiment, je dois regarder cet épisode-là. Si tu ne peux pas passer du temps à la prière à cause d'une série télévisée, c'est que tu en deviens esclave. Tu ne dois pas être esclave de l'habillement, de la montre. Quand on vient, par exemple, à l'église, on ne vient pas pour montrer ses habits. Tu ne peux pas manquer un culte parce que tu dis que non, mon habit ou bien ma veste ou ma chemise que je devrais porter n'est pas prête. Non, à ce moment-là, tu deviens esclave. Tu ne dois pas te laisser asservir par quoi que ce soit. Tu ne dois pas être esclave de la nourriture. Vous voyez, c'est ça le principe. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Tout ce qui nous rend esclaves, même si c'est bien à mes yeux, mais ça devient un péché. Deuxième vérité, ne livrons pas notre corps à l'impudicité. Vous voyez, beaucoup de gens aujourd'hui sont dans ces péchés d'immoralité sexuelle. Par définition, l'impudicité, c'est toute relation sexuelle avant le mariage. Et pour ceux qui sont mariés, on parle de l'adultère. Alors, l'apôtre Paul a dénoncé hier ce comportement qu'avaient les chrétiens de Corinthe. Et aujourd'hui encore, beaucoup de gens se livrent dans ce péché-là. Mais l'apôtre Paul donne 5 raisons qui devraient nous pousser à nous abstenir de l'impudicité. Première raison, il dit « Notre corps appartient au Seigneur ». Lorsque tu acceptes Jésus, tu deviens une propriété privée de Jésus. Tu ne peux pas dire, c'est mon corps, je peux en faire ce que je veux. Non, tu appartiens au Seigneur. Ton corps appartient au Seigneur. C'est ce que Paul dit ici. Il dit ceci, au verset 13. Les aliments sont pour les ventres et les ventres pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur. Et le Seigneur pour le corps. Ton corps est pour le Seigneur. Deuxième raison, notre corps fait partie des membres de Christ. Vous voyez, il dit au verset 15, « Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ ? Prendrais-je les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée ?» Tu te rends compte, les membres de Christ. Et puis toi, tu vas livrer ces membres-là à l'immoralité sexuelle. Ton corps fait partie des membres de Christ. Quand tu vas quelque part dans un petit hôtel avec une fille, avec un homme d'autrui, avec un mari d'autrui, tu dois te poser la question, où vais-je avec les membres de Christ? Troisième élément qui devrait nous pousser à nous abstenir de l'impudicité, c'est qu'il y a une union spirituelle et physique entre toi et celui avec qui tu commets impudicité. C'est pourquoi il y a souvent des transactions spirituelles. Beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi l'impudicité reste l'une des portes d'entrée des démons. Beaucoup de gens qui ont des problèmes d'envoûtement, des problèmes de mari de nuit, la porte d'entrée c'est l'impudicité. Je vais parler à toi, une sœur, tu m'entends? Tu pries pour ton mariage, mais laisse-moi te dire, tant que tu ne vas pas arrêter avec l'impudicité, c'est difficile pour toi de te marier. Vous voyez? Et ces esprits qui te fatiguent sont entrés par ce canal. Quand, par exemple, tu t'unis sur le plan sexuel avec quelqu'un qui pratique la sorcellerie, ou le mysticisme, ou les sciences occultes, il y a transfert des démons, vous voyez? C'est à partir de là. Écoutez ce que Paul dit. Il dit au verset 15, « Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée ?» Verset 16, « Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle ?» Donc quand tu t'attaches ici, prostituée, c'est dans le sens de celui avec qui tu commets l'impudicité. Quand tu t'attaches, vous devenez un seul corps. C'est-à-dire, il y a une union qui va au-delà même du physique. Un seul corps avec elle, car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. C'est pour dire que l'union sexuelle est prévue seulement dans le cadre du mariage. Vous voyez, c'est pourquoi lorsque un homme et une femme s'unissent, il y a une union. Et ici, il dit, mais quand tu t'unis maintenant avec celui qui n'est pas ta femme, il y a aussi une union. Et il y a des transactions spirituelles qui se font parce que vous les faites dans le cadre du péché et Satan en profite, les démons en profitent. Voilà pourquoi, si toi tu as vécu dans l'impudicité, tu dois demander pardon, tu dois confesser ton péché, tu dois aller voir un pasteur pour qu'on prie pour toi, pour que tu sois délivré. Peut-être tu es tourmenté par les esprits de mari de nuit, les esprits de célibat, les esprits qui te bloquent. Il faut d'abord confesser parce qu'il y a une transaction spirituelle à partir de l'impudicité. Quatrième raison qui devrait nous pousser à nous abstenir de l'impudicité, notre corps est le temple du Saint-Esprit. voyez, l'apôtre Paul dit ceci, au verset 19. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous ?» Vous vous rendez compte? Votre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Imaginez-vous, lorsque vous êtes, par exemple, dans l'église, dans un temple, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Il y a des gens, par exemple, qui fument la cigarette. Lorsqu'ils veulent fumer, ah, ils se disent « Je suis dans le temple ». Ils sortent à l'extérieur. Appliquez le même raisonnement pour votre corps. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en vous. Quand vous êtes en train de commettre l'impudicité, vous êtes en train de rendre mal à l'aise le Saint-Esprit. Et cinquième raison, nous avons été rachetés à un grand prix. Vous voyez, celui qui connaît qu'il a été racheté par le sang de Jésus, vous avez du prix. Jésus a versé son sang sur la croix de Golgotha pour vous racheter. Vous ne pouvez plus vous amuser dans le péché. Vous ne pouvez plus vous livrer dans l'immoralité sexuelle. Parce que vous avez été racheté à grand prix. Se livrer à l'immoralité sexuelle revient à bafouer l'œuvre que Jésus a payée pour vous sur la croix. L'œuvre que Jésus a accomplie pour vous sur la croix. Que Dieu nous aide. Nous allons glorifier le Seigneur. Chantons ces cantiques. Yeshua Amashia, sois adoré et sois loué. Yeshua, tu es mon Dieu, sois exalté à jamais. Sois adoré. Gloire au Seigneur. Il est digne de louange. Élevons nos voix. Bénissons le Seigneur pour toutes ses vérités. Amen. Nous sommes à notre émission de prière OSB, opération sur la brèche. Notre passage du jour, c'est 1 Corinthiens chapitre 6, versets 12 à 20. Au microphone, votre serviteur Dieudonné Ngoumbi. Nous encourageons tous ceux qui reçoivent OSB par WhatsApp. Partagez avec vos amis, partagez avec vos membres de famille et que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes heureux lorsque vous entendez ces choses, mais pourvu que vous les appliquiez. Nous allons prier le Seigneur. Nous venons de voir que tout nous est permis, mais appliquons ces principes en disant « Tout n'est pas utile ». Prions pour que Dieu nous aide à nous débarrasser de tout ce qui n'est pas utile dans notre vie. Et prions pour que nous puissions nous débarrasser de tout ce qui nous rend esclaves. Prions le Seigneur. Père, dans le nom de Jésus, ce matin, nous venons à toi pour te dire infiniment merci. Tu es digne, tu es honoré, tu es béni, tu es le Seigneur de notre vie. Jésus-Christ, merci pour le salut que tu nous as accordé et merci de nous maintenir dans la foi chrétienne. Donne-nous de poser des pas, donne-nous de méditer, de prier, de chanter à la gloire de ton nom, de te rendre toute la gloire en toutes choses. Merci pour déjà ce mois, pour ce que tu as fait et tu continues de faire, pour cette nouvelle journée qui s'ouvre devant de nous, que ton nom soit béni. Merci d'être notre berger. Merci d'être notre appui. Merci d'être notre forteresse. Ce matin, tu nous donnes encore la capacité de faire toutes choses. Mais pendant que nous sommes en train de faire toutes ces choses, tu nous dis que tout nous est permis, mais en même temps, tout n'est pas utile. Et nous voulons te dire infiniment merci. Parce que il y a des choses que nous ne devrons pas faire. Il y a des péchés que nous ne devrons pas commettre. En tant que des enfants de Dieu, aide-nous à renoncer. Que tout ce qui nous tient captifs, donne-nous de renoncer. Que tout ce que nous aimons par la chair, nous convoitons, que nous recherchons qui n'est pas pour ta gloire et qui nous rend captifs. Seigneur, nous voulons refuser cela. Nous voulons sortir de la captivité et nous voulons avoir le regard sur toi, que ta volonté seule s'accomplisse dans notre vie. La Bible dit que dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de pensées, il y a de l'espérance, mais seule la volonté de Dieu s'accomplira. La volonté de Dieu se réalisera et se manifestera. Merci de nous aider donc à rechercher ta volonté, à faire ce qui est convenable, à prier pour les malades, à prier pour l'avancement du royaume, à prier pour que ton nom soit glorifié dans tous nos cultes et que davantage ta parole puisse s'accomplir au milieu de nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous venons de voir que nous ne devons pas nous livrer à l'immoralité sexuelle. Nous allons prier le Seigneur afin qu'il nous préserve. Peut-être que toi tu n'es pas encore tombé, mais tu dois être discipliné. Tu dois dire, Seigneur, aide-moi à ne pas succomber dans l'immoralité sexuelle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et pour ceux qui sont tombés, nous allons prier pour qu'ils puissent se repentir. Au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. La force dans la prière. Très excellent Père, ce matin nous te bénissons, nous te glorifions. C'est toi qui exerces nos mains au combat et nos doigts à la bataille. Nous prions ce matin pour la sécurité en Jésus-Christ. Protège-nous, ô Père éternel, contre toute forme de convoitise. Sécurise tes fils et tes filles, afin que nous ne tombions point dans l'immoralité sexuelle. Nous prions, ô Père éternel, que tu nous donnes la force, que tu nous permettes de nous tenir en bride, d'être sécurisés et d'être protégés, afin de ne pas être emportés par la convoitise de l'ennemi. Nous prions aussi, ô Père éternel, pour nos frères, pour nos sœurs qui sont tombés dans l'immoralité sexuelle, qui sont détournés de tes voies. Nous demandons pardon, ô Père éternel, à leur place. Tu dis dans ta parole que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toutes nos iniquités. Nous prions, ô Père éternel, et nous demandons l'intervention de ton Esprit Saint. Manifeste-toi dans la vie de tes enfants qui ont chuté. Ta parole déclare que le juste tombe sept fois il se relève. Fais en sorte, ô Père éternel, qu'il puisse se relever, se tourner vers toi, se repentir et continuer la marche pour l'avancement de ton œuvre. Nous disons merci, Père, parce que si nous tenons, ce n'est que par ta grâce. Fortifie-nous. Nous mettons notre confiance, nous mettons notre espérance en toi. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons prier pour tous ceux qui se sont livrés dans l'immoralité et qui ont ouvert les portes aux démons. Parce que nous avons vu que c'est par ce canal qu'il y a des transactions spirituelles, qu'il y a des esprits d'envoûtement, des esprits de mari de nuit qui entrent. Nous allons prier. Si tu te rends compte que par ce canal-là, il y a des esprits qui sont venus t'attaquer, tu vas prier, tu vas t'humilier, tu vas prier pour dire « Seigneur, délivre-moi de toutes ces choses ». Nous allons prier pour combattre tous ces esprits méchants qui viennent nous attaquer par ce canal-là au nom de Jésus. Les esprits de mari de nuit, les esprits de eaux, toutes sortes de puissances spirituelles au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, ce n'est pas à nous, mais à ton nom donne gloire, parce que nous sommes dans la chair et beaucoup de choses nous échappent dans tout ce que nous faisons. Nous pensons bien faire, nous pensons bien agir, nous pensons bien penser, mais dans toutes ces choses, Seigneur, il y a le péché, il y a des choses qui ne t'honorent pas et même nous faisons souvent mal. Aie pitié, sanctifie-nous, Seigneur. Nous avons souvent ouvert des portes pour que l'ennemi soit dans notre vie. Nous avons négligé nos paroles, nous avons négligé nos actions, nous avons négligé des pensées. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux et nous avons frustré le Saint-Esprit. Et voilà que dans toutes ces choses, cela a amené des portes à s'ouvrir dans notre vie. Et nous sommes sous l'oppression du diable. Et les démons se sont érigés pour nous attaquer. Ils se sont appropriés de ces manquements, de ces faiblesses, de tout ce que nous désirons de la chair. Et ils se sont dit que c'était des temps favorables pour nous maintenir dans l'esclavage. Mais gloire te soit rendue. Parce que nous sommes conscients. Ton esprit nous rappelle que nous devons renoncer, que nous devons abandonner, que nous devons confesser, que nous devons sortir de toutes ces pensées méchantes, lugubres. Père, ainsi donc, sanctifie-nous, purifie-nous, accorde-nous ton esprit. Par la foi, Seigneur, donne-nous de détruire toutes les stratégies de l'ennemi pour nous maintenir dans l'esclavage au nom de Jésus-Christ. Donne-nous, Seigneur, notre Dieu, par l'autorité que tu nous as donnée, de pouvoir, oui, déclarer confesser, détruire tout ce que l'ennemi, lui, est en train de nous montrer dans les songes, dans la vie quotidienne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, restaure-nous, requinque-nous, récapacite-nous et repositionne-nous dans ta volonté pour marcher dignement comme des enfants pour la gloire de ton nom. Merci d'opérer des miracles, des signes, des prodiges au milieu de nous, encore aujourd'hui, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.